Et Raymond Poirier est là avec nous en studio pour nous parler technologie de l'information, puisqu'il est chargé de communication à l'Institut de technologie de l'information et société de l'Université Laval. Allô, Raymond. Bonjour, Tania. Et Raymond, aujourd'hui, plusieurs sujets variés. Entre autres, tu commences par nous parler d'une enquête de technocompétences sur la rémunération des emplois en TI, sujet qu'on a parlé déjà à quelques reprises. Effectivement, là, c'est l'édition 2012, voire un peu sur modification, évolution, progression autour de ce sujet-là. Donc, on parle d'une entreprise quand même assez vaste, fruit de coopération entre 154 entreprises qui embauchent en totalité à peu près 8000 employés, 52 postes repères spécialisés en technologie de l'information. Donc, c'est un portrait quand même assez global. Et l'élément qui ressort de l'enquête 2012, c'est la disparité entre les régions et le fait que, de manière générale, si on compare Québec et Montréal, eh bien, pour un travail équivalent, donc on est plus payé à Montréal qu'à Québec. Ah. Si on y va de manière générale, on parle du salaire de base réel, exemple d'un programmeur analyste intermédiaire, est à peu près de 54 400 $ à Québec. Pour le même emploi, on aura 59 500 $ à Montréal. Mais la différence est quand même bonne. Mais à peu près au-dessus de 5 000, là. Donc, ouais. Ça commence à paraître. Pour les entreprises œuvrant dans les autres régions du Québec, on parle d'une moyenne de 51 600 $, comparativement à une moyenne de 56 700 $ pour le Québec. Donc, on a vraiment une progression. Là, on est moins payé en région. On est payé un peu plus à Québec, on est payé beaucoup plus à Montréal. Donc, c'est quelques questions qui sont soulevées, évidemment, face à ça, en se demandant, mais pourquoi? Est-ce qu'il y a une question de compétition, de concurrence, de type d'emploi? Est-ce que c'est le coût de la vie qui diffère d'une ville à l'autre? Donc, qui viendrait expliquer les disparités, donc, entre les salaires pour une même fonction dans un même type d'entreprise. Mais c'est ça, quand même surprenant. Oui, effectivement. Il y a de quoi faire jaser un peu. Sinon, parallèlement, ce qu'on remarque aussi, c'est que le secteur d'activité semble avoir un fort impact sur le salaire. Donc, à titre d'exemple, le salaire réel moyen d'un programmeur analyste principal est de 70 200 $. Ça, c'est dans le secteur des éditeurs de logiciels. Si cette personne-là travaille dans le secteur du multimédia, pour le même travail, elle va être payée 73 500, 77 000 si elle travaille en télécommunication, et 65 700 pour les services informatiques. Donc, encore là, ça veut dire que si on travaille, exemple, si on est programmeur analyste principal, eh bien, si on travaille dans le secteur des télécommunications à Montréal, on est beaucoup plus payé. Inversement, si on est en service informatique en région, ben là, on est peut-être dans le plus bas côté secteur et côté lieu pour toujours cette tâche-là. Évidemment aussi, l'autre élément qu'on remarque, c'est la taille de l'entreprise qui vient influencer le salaire. Il est souvent mentionné là, que les grandes entreprises paient davantage que les plus petites. Par exemple, un chargé de projet intermédiaire lui va obtenir un salaire plus élevé en moyenne dans les grandes entreprises. Une moyenne salariale d'à peu près 70 000 $ pour les entreprises de plus de 100 employés, 68 000 pour les entreprises de 50 à 99 employés. Et à ce sujet, il est aussi intéressant de noter que les postes de gestionnaire de projet sont implantés de manière plus systématique dans la grandes entreprises. Et dans d'autres cas, on observe aussi la situation contraire. Si on est un architecte informatique, donc la moyenne salariale, c'est de 92 900 $ pour les entreprises de 50 à 100 employés, alors que le salaire baisse. Si on est dans une entreprise de 100 employés et plus, la moyenne se retrouve à 87 100 $. Donc, disons, un état des lieux qui montre bien peut-être toujours certaines disparités. J'imagine, enfin, on peut croire que d'autres disparités similaires pourraient être observées dans d'autres cadres de métiers, mais ça donne quand même un portrait extrêmement intéressant. Le détail, évidemment, sur le site de Technocompétences et également relayé via nos revues de presse là, sur le site de l'ITIS, itis.laval.ca. Et on en avait déjà parlé selon le guide d'emploi de Jobboom, c'est bien ça, c'est un secteur qui sera en besoin d'employés bientôt. Est en besoin maintenant et qu'il sera encore plus bientôt. Alors, vous avez un petit éventail des salaires. Évidemment, s'il y a toujours donc des possibilités d'emploi, de travail et des perspectives de carrière extrêmement intéressantes dans le domaine, on aura sûrement l'occasion d'en reparler d'ailleurs en 2013 avec le prochain Job Boom. Autre élément qu'on surveille aussi, Tania, c'est l'évolution de la publicité. On en a parlé à quelques occasions et notamment un rapport qui a été publié récemment, le Global Entertainment Entertainment and Media Outlook 2012-2016 qui soutient que le marché canadien du divertissement et des médias va afficher un taux de croissance annuel de 6,5% d'ici 2016, comparativement à 5,2% aux États-Unis, donc plus fort au Canada qu'aux États-Unis. Et en plus, on ajoute dans cette étude-là que la publicité en ligne devrait dépasser la publicité traditionnelle, entre guillemets, en 2014 et que la croissance des dépenses de publicité en ligne devrait atteindre 23% d'ici 2016. Et par ailleurs, cette étude-là indique aussi que les dépenses dans les jeux vidéo vont dépasser celles consacrées à l'achat de livres et manuels dès cette année au Canada et devraient augmenter de 20% aussi d'ici 2016. Alors, plusieurs tendances qui sont à surveiller, mais une tendance donc techno qui semble s'accentuer autant dans l'achat de publicité que dans les produits de divertissement qui sont consommés. Raymond, il y a aussi un colloque qui s'en vient sur la recherche et sur le plan Nord à l'Université Laval. Oui, en fait, l'université qui s'est préparée un peu donc en vue du plan Nord, qui est effectivement une des priorités de recherche et de perspective et de réflexion à l'université. Il y a eu un colloque, donc, les 18 et 19 juin, qui a réuni à peu près 150 personnes. C'était au Grand Salon du pavillon Maurice Pollack. Et l'idée de ces deux journées-là était de réfléchir à ce qui pourrait être exploré et également de mener, donc, au terme d'un exercice de réflexion, de présenter 130 priorités de recherche auxquelles il faudrait s'attaquer pour assurer que les grands chantiers projetés dans le nord du Québec soient menés dans le respect des principes du développement durable. Alors, on parle donc d'à peu près 1,2 milliard de dollars qui pourraient y être consacrés au cours des 25 prochaines années. 130 idées de recherche, donc c'est évidemment extrêmement vaste. On n'en fera pas l'inventaire ici, mais encore là, via le site de l'ITIS, vous pouvez trouver facilement tout ça. C'est en page d'accueil présentement d'ailleurs. Mais on parle notamment de questions liées à l'éducation, à la formation des peuples du Nord. On parle de transmission et conservation du patrimoine culturel, de développement minier, forestier, énergétique, transport, télécommunication, de l'économie verte, d'approche collaborative adaptée en création de richesses dans ces territoires-là. En technologie de l'information, de manière plus équipement, en fait lié à l'équipement, on parle notamment de favoriser l'accès aux technologies de l'information, de coordonner et de partager donc les infrastructures de télécommunication, de mettre en place des centres de données, bref, beaucoup de perspectives comme ça. Il y en a, je le répète, 130 et ça couvre à peu près tous les angles et toutes les priorités de recherche universitaire, je pense, là, en lien avec justement le plan Nord. Donc, évidemment, beaucoup de développement à surveiller au cours des 25 prochaines années là-dessus. Eh bien, on ira voir sur le site de l'ITIS pour avoir plus de détails. Prochain sujet, il y a Procter & Gamble qui s'associe au projet d'Internet physique du professeur Benoît Montreuil. Oui, on avait glissé un mot sur ce projet-là. On l'avait présenté dans notre colloque Ville intelligente, Ville durable. Il y a ça quelques temps, un professeur de l'Université Laval, M. Benoît Montreuil, de la Faculté des sciences d'administration, qui travaille sur ce qu'on appelle l'Internet physique. Si on y va brièvement là, sur ce que c'est un système de transport et d'approvisionnement qui se veut plus efficace que celui qu'on connaît actuellement. Donc, l'idée, essentiellement, c'est d'optimiser le transport de marchandises pour cesser d'avoir sur les routes des camions à moitié vides, voire totalement vides, d'éviter la multiplication des trajets entre le point de production d'un produit et son lieu de vente, de faire disparaître le fonctionnement en vase clos de la grande distribution pour miser sur un système de partage du réseau. Donc, bref, de s'inspirer du web pour repenser la manière dont on transporte les marchandises à l'intérieur des villes et d'une ville à l'autre. Donc, l'idée, si on détaille un peu, c'est on pense aux porte-conteneurs, par exemple. Donc, les ports centralisent toute la marchandise. Sur les bateaux, les conteneurs sont remplis de produits issus de plusieurs compagnies. Évidemment, donc, c'est absurde et cher qu'une seule compagnie affrète un porte-conteneur pour assurer ses livraisons donc sur la mer. Donc, il y a plusieurs compagnies qui s'associent pour le faire. Mais c'est pas le cas sur les routes. Et donc, pourquoi ne mais pas pourquoi? Faire un système ben oui, similaire? Pourquoi pas? Voilà. Alors, sur la base d'Internet, en fait, pourquoi le lien avec l'Internet, c'est que l'idée que quand on déplace des données, les données qu'on envoie, nous, individuellement, ne se déplacent pas individuellement. Elles se regroupent et sont ensuite redirigées d'un point à l'autre, avant de se rendre éventuellement à destination, donc dans des clusters de données. Donc, c'est là l'idée d'Internet physique, en disant, bon, on va faire la même chose avec les marchandises, on va les regrouper allant d'un point à l'autre, d'avoir un système qui fonctionne 24 heures sur 24, sans nécessairement amener quelqu'un à faire le trajet complet avec les marchandises, mais que chacun fasse donc une étape de ce trajet-là. Et donc c'est intéressant parce que Procter & Gamble donc vient d'embarquer un peu dans ce projet, donc pour voir si effectivement ça peut fonctionner. Donc le système d'internet physique sera expérimenté dès cet automne en Europe. Alors ce sera intéressant de voir justement qu'est-ce qui va en ressortir et si effectivement c'est applicable, et c'est applicable de manière agile et de manière à coût quand même pas nécessairement élevé ou trop élevé, eh ben ça risque carrément de révolutionner là, la manière dont on envisage les transports, et évidemment aussi avec une belle un beau regard vers le développement durable et vers un impact environnemental extrêmement favorable aussi. Ben oui, ça c'est une très très bonne nouvelle. Et Raymond, en terminant, deux articles sur le Castellet électronique du Lantis. Et oui, en fait, Castellet électronique qui est en vedette ce mois-ci. En fait, je voulais le mentionner parce que l'article est fort intéressant. C'est un article de Philippe Couture que vous allez retrouver dans le numéro 143, donc le dernier numéro de la revue de théâtre Jeu. Le Castellet, si on le présente brièvement, en fait, on parle d'une maquette, en fait, à l'échelle 1/10 d'une scène, donc qui permet l'intégration de différents médias dans un même outil, donc éclairage intégré, miniaturisé, projection d'image, réalité augmentée, scène déformable. Et c'est une scène robotisée, donc l'architecture de base du prototype comprend une douzaine de modules qui sont composés chacun de 9 petits blocs reliés entre eux par un mécanisme de bielle et d'articulation rotoïde, donc qui est actionné par des moteurs. Chaque moteur est indépendant. Ça permet une multitude de configurations. Donc, on peut y aller avec un petit espace de scène qu'on fait monter vers le haut, qu'on déplace. On peut créer des effets de vagues. On peut changer la scène, dans le fond, pour s'adapter au décor. Et évidemment, avec les évolutions, et on le note d'ailleurs dans l'article de jeu, au niveau de l'éclairage qui peut être fait à partir de projecteurs vidéo, donc un éclairage animé sur une scène animée également. Donc, ça offre un éventail de possibilités extrêmement intéressant. Donc, d'abord, c'est conçu comme un outil pédagogique pour permettre la préfiguration de spectacles quand même assez complexe. Le Castellet peut servir de plateau de tournage pour des films d'animation, de scènes miniatures pour la présentation de théâtre d'objets, de théâtre de marionnettes. Donc, beaucoup d'utilisations qui sont assez ouvertes. D'ailleurs, il y a une pièce qui sera présentée à premier acte en février 2013 qui va se faire à partir du Castellet électronique, Le voyage de Tchekhov à Sakhaline. Donc, ça sera surveillé. C'est peut-être aussi un peu pour ça et pour la présentation de cette pièce-là lors d'une édition récente du Carrefour international de théâtre de Québec, où on présente un peu justement cet outil extrêmement intéressant, évidemment de manière beaucoup plus détaillée que ce que je viens de le faire. Alors je vous invite à acheter un coup d'œil donc à la revue Jeux de ce mois-ci. Sinon, vous pouvez trouver un descriptif plus technique sur le site de l'ITIS dans notre section chronique. En fait, il y a une capsule Innovation TI donc qui a été consacrée également à cet outil scénique, donc sur itis.ulaval.ca. Raymond Poirier, merci beaucoup pour ce tour de l'actualité des TI. Merci beaucoup. Merci, on se retrouve la semaine prochaine.